Et la, les panisses, vous en faisiez aussi? Souvent. Souvent? Souvent, oui. Souvent. J'ai oublié ça aussi, souvent. Comment on faisait pour faire les panisses? Ah ben, on mettait dans un chaudron, on mettait l'eau, quand on mettait des pommes de terre aussi, coupées en tranches. Oui, pas trop épaisses, hein, simple, fondées. Et quand les pommes de terre étaient cuites, alors on mettait la farine et on tournait une bonne demi-heure. On écrasait les pommes de terre ou on les écrasait? Elles s'écrasent toutes seules. Elles s'écrasent seules. Parce qu'elles sont fines. Mm-hmm. Et puis on y mettait ou du lait ou de l'huile. Puis on mangeait tous ensemble. Tous ensemble? Oui. Dans le chaudron? Dans le chaudron. Mais ça, il y a longtemps, j'étais jeune. Oui. Oui. Et la panisse, quand on la faisait, est-ce qu'on tournait avec quoi? Avec j'en ai un, mais pas tout droit, hein. Ah. Il n'est pas bien droit, hein, vous voyez. Ah, oui. C'est fait avec quoi, ça? Du bois. De quoi? Du buis, je crois que celui-là. Du buis? Du buis. Et ça s'appelle comment? Arnaou. Comment? Arnaou. Arnaou? Oui, Arnaou. Et ça se fait qu'avec ça? Oui. Parce que si on tourne avec une cuillère, tout ça, c'est trop court d'abord, hein. Et puis, il faut que ce soit en bois parce que ça ne prend pas de goût. Ah, voilà. Le bois n'a pas de goût. Et tout le monde à Braille utilise ça? Avant, oui, maintenant, il y en a qui n'en ont pas. Oui. Ah. Mais il y en a qui en ont pour fantaisie. Ah bon? Oui. Pour fantaisie. Et qui c'est qui faisait ça? C'était les gens qui les faisaient eux-mêmes? Les hommes. Oui, oui, les hommes. Oui, oui. Et puis les gosses, en gardant les vaches, s'amusaient à en faire. À en faire, oui.